À la suite du massacre sonore qui a eu lieu la semaine dernière, ici même sur nos ondes, nous avons appris que plusieurs auditeurs n'auront pas survécu ou ont subi de lourdes conséquences psychiques. Étant compatissants avec les familles éplorées, nous présenterons ce soir une édition de réanimation The Undead Incorporated Show, tout ce qu'il y a plus charmante, sympathique et apaisante, parce que nous avons du cœur. Mais ça, c'est un monumental mensonge. Nous ne sommes pas compatissants et ne le serons jamais. Et on s'en fout passablement de votre sort. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, tous les deux sadiques à souhait et qui prennent leur pied à détruire le fragile équilibre mental de leurs très peu chers auditeurs. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we fucking said so. Good old classic. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 28 février de l'heure de disgrâce 2012. I am Dr. Payne Pendragon. Et, encore une fois, cette semaine, indissociables sommes-nous, ou en fait, suis-je le collant et lui la mouche? Le gobelin Sinistros. Bzz, bzz. On s'excuse d'avoir eu ce petit blank entre les deux. Nous étions partis dans des discussions d'extase, de collection de disques et de transactions. Oui, c'est vinyle, transactions, plus, voilà. Vinyle plus cash égale. Oui, effectivement, c'était assez. C'était fort. En fait, Sinistros l'a vu, c'est une édition rarissime des Beatles qui a été vendue devant lui pour une somme assez faramineuse. Ah, c'est cool. C'était cool. Bref, on vient d'entendre à l'instant la formation bolognaise. Bolognaise. Vader et la pièce Decapitated Saints. Une gang de cornichons. Oui. Pièce que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, Welcome to the Morbid Reich, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast. C'est bon cet album-là. Il est vraiment bon cet album-là. Oui, très très bon. Juste auparavant, nous avions Witchery et la pièce Witchkrieg, pièce éponyme et d'ouverture de l'album du même titre qui est paru en 2010 sur Century Media. Un autre excellent album. Oui, Gimmick International. Ah, ouais. Vomitory et la pièce of Forever Dam. Quelle excellente pièce. Ah non, c'est pourri, ça. Grand-mère, ta gueule. Et tiré du dernier album et du dernier opus, Opus Mortis Hate, qui est paru en 2011 sur Metal Blade. Legend of the Dam et la pièce Nocturnal Predator. Tiré de l'album Feel the Blade, paru en 2008 sur Massacre Records, et nous avions ouvert avec un grand classique de 1985, March of the SOD, qui était suivi immédiatement de Sergeant D and the SOD, Stormtrooper of Death, tiré de l'album Speak English or Die, comme je l'ai dit, de 1985, de l'étiquette Megaforce. Ouais, monsieur, un putain de classique. 1 million d'albums vendus pour cet album. En fait, à cette époque-là, parce que cette édition-là, ben, Silver date. De... Ouais, c'est ça. L'édition Silver date de quand même un certain nombre d'années, donc on parlait à l'époque de 1 million. J'imagine que je l'ai rendu peut-être 1 million. Ouais, 1 million ou 2. C'est ça, 1 million 2, voilà. Ce soir, il n'y a pas d'émission spéciale. Il n'y a qu'une émission standard, c'est-à-dire massacrante. On va avoir beaucoup de plaisir ce soir. En fait, lui et moi, vous autres, on ne sait pas, on s'en fout pas mal. Par contre, la semaine prochaine, on pourra vous parler du show des sides. Et on va là. Ça va être mon baptême dans le death extrême. Ouais, ça va être pour toi des maux de tête à venir pour le lendemain. Non, pas tant que ça. Ah, oui. Jungle Rot, ça risque d'être cool. Ouais, ça va être super cool, je suis certain. Bref, non, la semaine prochaine, je me propose peut-être de faire un mini spécial Hopper. Oui. Oui. Histoire d'aller avec le prochain show qu'on va aller. Oui, c'est ça. Puis j'en ai écouté le week-end dernier, puis je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'on en fait pas assez passer. Ben, un mini spécial, on s'entend que les pièces peuvent être très longues, donc on parle peut-être de 3 pièces, là, mais en tout cas, c'est à voir. Une pièce et demie. Une pièce et demie. Ben, avec une pièce et demie, on pourrait aller faire chercher un bon 10 minutes, 12 minutes, ah, facile. Facilement. Ceci étant dit, ce soir, on a des présentations d'albums, autant de la part de Sinistros que de moi-même. On entendra des incursions, entre autres, dans quelques instants, d'un album qui est une sélection de Sinistros. Oui, belle découverte en ce début d'année 2012. Effectivement. Donc, on vous revient avec ça dans quelques minutes. Mais on aura l'occasion d'entendre des formations comme Rearm. Des non, Rearm, ce ne sera pas ce soir. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, Rearm, d'accord. Ouais. Donc, ce soir, on aura à l'instant, ou dans quelques instants plutôt, Seer Bliss, formation de Hongrie. On aura des pièces du nouveau Napalm Death qui sortait aujourd'hui. Formation United Kingdom. Mais on entendra des 2 pièces qui sont tirées de la compilation de la formation américaine Autopsy. All Tomorrow's Funeral, compilation qui est parue il y a quelques semaines à peine. Ceci étant dit, je parlerai avec, je m'entretiendrai avec Sinistros et vous-même, si vous le désirez, de cinéma un peu plus tard, parce que j'ai vu quelque chose d'extraordinaire le week-end dernier. Mais, sans plus attendre, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, j'ai quelques petites choses à raconter avant. Ah, vas-y. Hey, vous savez tous que j'ai mon... Non, on ne sait pas non, ça. Non, on ne sait pas. Moi non plus, je ne le sais pas des fois. OK. Mon blog, qui est hurlemort.com, je me suis fait demander récemment pourquoi je mettais toujours juste des bonnes notes aux albums. J'ai répondu sur le site web en question, en gros, parce que je note pas tout ce que j'écoute d'emblée. Oui. Dans le fond, ce que j'aime pas, je le notais pas. Fait que j'ai fait une affaire avec les lecteurs, parce que ce mois-ci, et ce depuis décembre 2011, j'ai une moyenne de 6000 visiteurs par mois. Ben, c'est très bien. Fait que c'est très, très bon. Fait que j'imagine que le monde lise à toutes les semaines mes chroniques diverses, chroniques dont certaines se retrouvent aussi sur le site de réanimation. Ton 6000 visiteurs par mois, là, je te crois, parce que moi, j'ai mal aux doigts. Ben, j'ai pas de misère à te croire. C'est moi qui fais les clics à tous les jours. Je le sais. C'est j'ai envie de ton adresse IP qui est le plus dur à tous les fois. Oui, effectivement. fait que ce que j'ai fait depuis quelques semaines, j'ai parti une nouvelle section qui s'appelle la poubelle de tôle. Donc, dorénavant, et ça depuis deux semaines, j'ai fait ma deuxième poubelle de tôle cette semaine, je vais critiquer des albums que j'aime. Ces albums-là vont avoir des bonnes notes. Puis les groupes, ils vont se retrouver à gauche, à droite plutôt, dans le menu contextuel de groupe. Mais aussi, les albums que j'ai pas aimés pendant la semaine vont se retrouver dans la poubelle de tôle. Mm-hmm. Fait, vous pouvez aller lire sur hurlemort.com. Cette semaine, ça va être assez intéressant. Ben, écoute, je t'allais lire tes premières critiques, puis mais c'est bien fait, hein, faut le dire. C'est pas du massacrage pour le plaisir de le non, faire. Non, je dis pourquoi j'aime pas ça. Tu le décris bien, et puis on s'entend qu'à quelque part, la musique, c'est subjectif, t'as le droit d'aimer ou pas aimer. Oui, mais bon. Moi, je dis pourquoi j'aime mais pas ça. Mais tu dis pourquoi, mais il reste que c'est quand même assez explicite. Ben, c'est pas si pire. C'est correct. Mais par contre, on comprend bien pourquoi t'as pas aimé. Mais non, mais je l'ai dit, regarde, écoute, je jouerai pas à l'autruche. Non, mais tu vois... Moi, on me demande pourquoi je mets tout le temps des bonnes notes. Est-ce que Recaster, les albums que j'écoute, que je n'ai pas aimés, vous en parlez? Ben moi, généralement, j'avais un peu l'attitude que tu avais initialement sur le site de réanimation. Je parlais très peu des albums qui ne m'avaient pas vraiment plu parce que je me disais, dans un premier temps, ben ça m'a pas plu, j'ai pas aimé ça pour X raison. Ça vaut-tu la peine que je consacre du temps à écrire un texte là-dessus? Ceux pour lesquels je me suis attardé, c'est ceux qui m'ont vraiment, mais vraiment déplu. Mais comme là. J'avais fait avec Warbringer et Skeleton Witch à la fin 2011. C'est ça, ce que j'ai fait d'ailleurs avec le dernier album de Megadeth. Oui, ça c'était vrai. Mais ça, je me dis, c'était plus pour rire qu'autre chose. Mm. J'aimais pas l'album, c'est certain. C'est plus pour rire qu'autre chose, parce que dans le fond, je me dis, il y a tellement de choses qui sortent que avant de prendre du temps, en tout cas moi j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, avant de me dire je vais prendre du temps pour aller critiquer puis dire pourquoi j'ai pas aimé un album, je vais me concentrer peut-être sur les albums. Ouais, mais moi c'est vraiment... des petits textes, c'est pas ouais, gros, c'est ça. Non, mais c'est juste une question de temps là dans le fond. Oh, regarde, comme là c'est cet après-midi, ben aujourd'hui dans ma voiture, j'ai écouté Swallow the Sun, dernier album, j'ai pas aimé ça. Non. J'ai failli causer un accident parce que j'ai failli m'endormir au volant. Écoutez ça. Là. Je vais l'expliquer probablement la semaine prochaine. Si, en supposant que tu ne le réécoutes pas et que tu risques encore de t'endormir. Ben non, je ne le réécouterai pas. Ah, là, okay. Ça, c'est sûr. Regarde, mais tu vois, Sinistros, il y a des choses, moi, qui ont autant au niveau cinéma que musique, qui m'ont, lors d'une première écoute, que ce soit film ou album, qui m'ont déplu. Je les ai laissés dormir pendant un certain temps. Je les ai écoutés, puis soudainement, je les ai vus différemment. Mais ça marche pas tous les coups. Ben moi, ça marche pas comme ça. J'ai déjà testé le truc de bon, ben je vais le laisser là, je vais réécouter. Moi, généralement, là, à 95% du temps, là, si la première écoute, j'aime pas ça, j'aimerais pas ça. Je me donne tout le temps au moins un 3 écoutes. Avant de dire définitivement, j'aime pas moyen ou j'aime ça. Ben, quand j'aime ça, normalement, c'est parce que sa première écoute, c'est concluant. Mais quelque chose que j'aime pas d'emblée, je vais essayer de me donner au moins, donner la chance à l'artiste d'avoir 3 écoutes au moins. Mais au bout de 3 écoutes, là, si ça rentre pas plus, regarde, c'est classé. Ben, moi, c'est classé en 3. T'as le Yes, t'as le Wow, pis t'as le Saperlipopette. Saperlipopette! Parce qu'avant ça, on avait un autre nom, mais... Ouais, qui était un mot eucharistique. Ouais. Et l'Eucharistie n'était point approprié. Donc! Un album que j'ai aimé et que j'ai critiqué, très, très, très bonne note que j'ai donnée. Je pense que c'est un 9 sur 10. Je vais te dire ça à l'instant. Je l'ai mis sur le site de Hurlemort. C'est le premier que tu viens de passer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et oui. Tu as donné effectivement une excellente note de 9 sur 10. Oui, parce que c'est un côté très original. C'est un mélange de black metal progressif puis ils viennent rajouter des cuivres par-dessus ça. C'est vraiment spécial, l'atmosphère qui se dégage de ça, c'est pratiquement malsain, les bouts, c'est planant, c'est vraiment... puis tu sais, c'est une production vraiment, vraiment très léchée, puis puis c'est pas ça tombera pas dans le tap scénaire comme t'aimes pas les petits guitares. Il y en a pas de ça. C'est gras, c'est plein, c'est du black metal progressif à tendance jazzy par moment. C'est la formation Sir Bliss qui nous vient de Hongrie. Formation parente avec Sissi. Oui, oui, c'est probablement des descendants. Ah, okay. Ils ont des allures de reine et de, oui. Et de princesse. Non, c'est correct. Okay. L'album, c'est Eternal Recurrence. C'est sorti en janvier 2012 sur l'excellent label Candlelight Records. Oui, bon, Candlelight, très renommé pour le métal. C'est très rare qu'ils vont se tromper en sortant un album, n'est-ce pas? Oui, ils ont un bon pif. Oh oui, ils ont un très bon flair. Contrairement à Massacre Records, ces temps-ci, on dirait que le flair n'est pas là pantoute. Là. Parce qu'ils sortent des affaires assez urques. Oui, ils ont peut-être essayé de grossir le roster, puis peut-être un peu trop vite. Là. Ben, un peu beaucoup trop vite, oui. Effectivement, ils ont signé à peu près n'importe quoi, puis il me semble que les deux, trois derniers albums de Massacre Records sont retrouvés dans la poubelle de tôle, là. C'est pas une bonne affaire. Alors, on va écouter Sir Bliss avec deux pièces de l'album Eternal Recurrence. On va entendre The Eternal Quest et Ballad of the Shipwrecked. Ça sera suivi de Enslaved avec l'excellente Raido qui était tirée de Axioma, Etika Odini et un classique du black metal, Arcturus, avec Whence and Whither Goes the Wind sur l'album Asperia Im Symphonia. D'accord. Allons-y avec Sir Bliss. Go. Shadow of sinister intention. Chaque mercredi à partir de 22h sur les ondes de C'est Fou 89.1, le Transformer vous fera découvrir le style trance ou trance à travers des remixes et des transitions qui vous transporteront dans cet univers translucide du techno progressif où les mélodies se transforment de manière à vous amener en état de trance. C'est un rendez-vous chaque mercredi à 22h sur les ondes de C'est Fou. Tout le monde peut participer aux Journées de la persévérance scolaire. Du 13 au 17 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur soyonscompères.com. Getaroom.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Dennison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via getaroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getaroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/getaroom.ca. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 11 et dimanche 12 février, championnat de natation universitaire au CAPS de l'UQTR. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Oui, vous êtes assez fou pour nous écouter. Eh bien, oui, vous nous venons d'entendre ici. Ça va faire, là, la bouillabaisse. Là. Oh, peu cher. On vient d'entendre une formation norvégienne qui s'est reformée sous peu pour faire des festivals. S'est reformée pour souper aussi. Oui, pour souper aussi, c'est ça. Pour faire des festivals. Des festivals. Ben, c'est bien des chevaux, des chevals, des festivals, des festivals. Hein? Peut-être des rumeurs d'albums. Ou d'albo. D'albo, oui, des albumos. Formation Arcturus avec la pièce Winds and Wither, Ghost the Wind, qui est apparue sur Raspberry IM Symphonia en 96. Ben, tu devrais lire le titre à l'envers parce que je chante à l'envers de lui. Oui, c'est Nias Matin Dabsmeat. Ce qui veut dire. Raspberry IM Symphonia. Ben voilà. Mais essayez pas de virer les choses à l'envers à la maison. Il n'y a pas de message subliminaux là-dedans? Non, même si tu veux ton radio à l'envers, John, veille pas tes speakers à l'envers, ça marche pas. Bon, ben, j'aime bien le dire, je l'aurais essayé moi aussi. OK. Tout juste avant, formation norvégienne Enslaved avec la pièce Raido qui est apparue sur Axioma Etika Houdini. OK. Houdini, comme dans Star Wars, les petits. Houdini. Les Ewok. Oui, les Ewok. Non, pas les Ewok, c'est les Jawok. Ah oui, c'est vrai. Houdini. Ouais. C'était paru sur Indie Recordings en 2010. Et on a commencé avec formation hongroise Sir Bliss avec The Eternal Quest et Ballad of the Shipwrecked. C'est paru sur Eternal Recurrence sur Candlelight Records en ce début d'année. Ouais, 2012. C'est pas vilain, ça. C'est très bon. Ouais, effectivement. Moi, j'aime bien le côté brass. Puis quand ils se mettent à chanter toute la gang ensemble, ouais, c'est comme un cœur. Ça fait cœur, ouais, ça rend bien. Oh, c'est cool. Ouais, c'est assez grandiose. Il est 20h01. Je ne devancerai pas l'heure inutilement. 20h01. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes du 89.1 FM, CFOU, votre radio campus de Trois-Rivières. Hey, c'est tellement bien dit. Pratiquement, on se parle. Mais là, ça fait 10 ans, 11 ans que tu le pratiques. Ben non, avant, c'était pas radio campus de Trois-Rivières. C'était quand même le même éducatif, mais je ne rappelle plus c'était quoi le titre. Il y avait d'autres titre, choses. Là, ouais. Il y avait d'autres choses. Ben, c'est pas vrai. Ça va faire 12 ans. Ah, c'est 12 ans cette année? Oui, mais pas réanimation, mais 12 ans je fais la radio, puisqu'au début, ah oui, c'est vrai, je l'ai fait avec l'autopsie, effectivement. C'est au mois de mars, ça. C'est sous peu, d'ailleurs. Bonne fête. Ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de notre ami Pedro Gonzalez. Qui est? Pierre et Metal Punk magasin de farfeluterie musicale. Pas le choix d'y en parler, hein. On dit qu'on va aller le voir, qu'on va aller le voir, puis on y va même pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Plus on vieillit, moins on a le temps. Excuse-nous, Pierre. C'est pas parce qu'on veut pas te voir. Mais à coup le pas. Mais vous autres, vous pourriez aller les oui, voir. Oui, allez-y, allez-y. Allez voir Pierre et son merveilleux petit magasin qui est rempli de choses bizarroïdes. Vous pouvez même payer ce qu'il y a à moi dans le tiroir et me l'apporter. Fait que moi, je suis bien content. Faites la même chose avec moi aussi. C'est ça. Donc, Metal Punk est situé sur la rue Saint-Georges au centre-ville de Trois-Rivières. 573, exactement. Exactement. Pierre, au moins Saint-Olivier. Faire... Oui, je pense que les Pierre est ouvert à partir du mercredi, n'est-ce pas? Mercredi. Je ne sais pas ses nouveaux horaires. Ben, en tout cas, c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à partir de midi. Donc, allez faire un tour voir Pierre. Il y a toujours des trucs assez spéciaux que vous ne retrouverez pas ailleurs, c'est certain. Est-ce que tu aimes les bandes dessinées? J'adore les bandes dessinées. Et surtout celles que tu vas, ben, ce que tu vas nous parler. Donc, tu es un amateur de Tintin. J'étais un maniaque quand j'étais jeune et le premier Tintin que j'ai lu, c'est Coke en stock. Mm-hmm. Ça m'a marqué. Ça n'a pas pris de temps qu'il a fallu que je demande à mes parents de me procurer la collection. Et c'était cher à l'époque, oui, les oui. petites bandes dessinées. C'est encore cher aujourd'hui. Oui, là. Aussi. Oui. Mais oui, j'ai encore la collection des Tintins. Donc, t'es un amateur. Et tu l'es-tu encore, amateur de Tintin? Ben, oui. Moi, j'ai les DVD, toutes les petits comics Tintin. J'ai la Toison d'or. Les oranges bleues. Les oranges bleues. Je suis un tripeux. Mais moi, je ne le connais pas. Tu connais pas ça? Non, je vais te mettre en situation, parce que je sais pas toi de ben, qui on parle. C'est en vrai. Mais oui, je le sais. C'était. Ben oui, non, je parlais du personnage de Tintin. Ah, tu ne connais pas Tintin? c'est lui qui est petit, là, puis qui est tout blanc, là, puis qui fait tout le temps. Ah, c'est lui. C'est lui. OK, donc c'est le chien qui est le reporter. Oui. D'accord. Ouais, il rapporte des ours. des os. Des os. J'ai écouté le week-end dernier The Adventures of Twin-Twin. Twin-Twin. Tintin. L'aventure de Tintin. Film paru récemment, qui est une production Steven Spielberg et de Peter Jackson. Un film d'animation 3D. Ça a l'air assez flyé. Les previews que j'ai vus, là, ça a l'air assez capable. Regarde bien. Je vais te lire un bref extrait de ma chronique sur le site de réanimation. Ben, vas-y. Un film presque parfait, point d'exclamation. Oui. Il est plutôt rare de pouvoir affirmer ceci, mais force de le faire, puisque l'adaptation de Steven Spielberg et Peter Jackson est grandiose et pratiquement à tous les points de vue. Ce film-là, je l'ai coté 9,5 sur 10. C'est très bon. C'est excellent. Et du début à la fin, c'est bon. Du début à la mais fin. Mais je pense qu'ils ont mélangé quelques... Ils ont mélangé le crabe aux pinces d'or là-dedans. Oui, le secret de la licorne, le trésor de la cam le rouge, entre autres. C'est des éléments qui se fondent très, très bien l'un dans l'autre. Je suis pas un fan des films d'animation, 3D pour le moins. Je suis pas un fan, c'est pas vraiment. Il y a le premier Shrek qui m'avait emballé un peu. Ouais, mais ça, c'est plus enfantin. Ouais, là, c'est plus comédie. Là, on s'entend-tu que de la façon que Tintin est monté, le premier vrai film qui est sorti comme ça, c'est Beowulf. Puis Beowulf était quand même... Moi, j'avais plus ou moins aimé. C'est bon, mais tu vois que c'est de l'animation. Mais avec Tintin, ce que j'ai pu voir, et c'est une coche, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment un grade supérieur. Les décors, moi, j'ai vu juste le bout, tu se promènes dans le désert à dos de chameau, pis t'as l'impression que c'est en vrai, là. C'est vraiment capoté, là. Le niveau technique de ce film-là est absolument admirable, ça, au départ. Ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'on a repris vraiment les personnages de la bande dessinée, qu'on a toujours tout connu en 2D, finalement, avec, je dirais, c'est quand même assez minimaliste, là, Tintin, là, pour, généralement, il y a pas... Ben, c'est vieux, Tintin, ça a commencé dans les années 30, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais je veux dire, tu sais, c'est pas les bandes dessinées d'aujourd'hui, là, avec énormément de détails, énormément d'arrière-plan, tout ça. Puis ça fait la job. Mais on reprend ces personnages-là, on les met en trois dimensions, on les humanise à quelque part. Ben, ce qu'il avait fait avec la Toison d'or, puis l'autre, les oranges bleues, là, les personnages, ils ressemblaient énormément, là. C'était des vrais personnages. Oui, oui. Il y avait ressemblance. Ouais. Ici, on a vraiment humanisé des personnages fictifs. On les a mis dans un contexte qui est tout à fait fantastique, mais qui est tout à fait aussi tangible, si on veut, à un certain point de vue. Mais tout est là. Le scénario est excellent. L'adaptation est excellente. On parle quand même de personnages, entre guillemets, ici, là, dont les voix de Jamie Bell, Andy Serkis et Daniel Craig se prêtent. C'est pas rien. C'est extraordinaire. C'est plein d'action. Ça n'arrête pas du début à la fin. Puis il y a des clins d'œil extraordinaires. Écoute, je vais le dire, là, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui va faire le parallèle immédiatement, là. Mais la première scène se passe sur une espèce de marché public où il y a des marchands de fruits illégaux, toutes sortes de choses. Il y a un artiste qui est en train de faire des dessins, genre caricatures qu'on pourrait retrouver dans le Vieux-Québec, et ainsi de suite, là, si on veut. Puis on voit cette personne-là de faire, sans dire, ben, je pense que c'est possiblement ressemblant, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le cadre à la personne qu'on voit brièvement en ombragé de dos, il dit, oui, effectivement, oui. Il dit, est-ce que je vous ai déjà dessiné, vous? Et la personne de répondre, oui, à quelques reprises. Et c'est Tintin qui reçoit son propre cadre, mais l'artiste, c'est Hergé. C'est vraiment hot. Fait que, mais écoute, c'est le petit bémol que moi, il m'a peut-être un petit peu déplu. J'ai passé par-dessus, là, au fur et à mesure que le film progressait, là, c'est la voix qu'ils ont donnée au Captain Haddock. Je la trouvais un petit peu comme... pas très viril. Tu vas en français ou en anglais? Je l'ai vu en français. OK, c'est peut-être la traduction qui est pas virile. C'est possible, là. Mais la traduction francophone, la voix manque un peu de gras du Captain Haddock. En anglais, puis, c'est qui le fait? C'est toi. Eh oui! Seigneur, j'en ai perdu un bout. J'ai aucune idée. Puis on le fait passer pour beaucoup plus imbécile qu'il est, là, vraiment dans la bande dessinée. Tu sais, il est vraiment, là... OK, le Captain Haddock, c'est un alcoolique, là, on le sait, mais là, il est vraiment là, pas mal au dernier niveau, là. Vraiment, le dernier degré, je devrais dire. Il est un peu plus épais qu'il l'est dans le personnage de la bande dessinée, mais on passe par-dessus ça parce que le reste est vraiment parfait. Ça se termine sur une note qui va en avoir un autre. Fait que c'est pas un film pour enfants, là. C'est un film qui est pour tout le monde. Tu parles de Captain Haddock. Dans la bande dessinée, il est épais, là. Oui, mais là, il l'est encore plus. OK. Il l'est encore un petit peu trop, peut-être. Tu sais, quand il s'en va sur la lune, il est dans la fusée, là, il est épais rare, là. Oui, mais là, on l'a dépeint un peu comme un pauvre imbécile, là, tu sais, carrément. Mais on passe par-dessus assez rapidement. Moi, c'était peut-être le petit bémol, petite critique que j'avais à y faire. Mais comme je dis, c'est un film qui est pour tous. Tout le monde va y retrouver son compte. Je dis pas, peut-être pas les enfants de 3 ans, là. Qui ne feront pas le parallèle là, avec Tintin, le personnage, là, mais généralement, quelqu'un qui connaît Tintin là, va aimer le film. Là. Moi, je te le recommande beaucoup, surtout que tu es un amateur de Tintin, tu vas t'y retrouver 100 000 à l'heure. Donc, un beau 9.5 sur 10 pour Tintin. C'est le seul film que j'ai écouté à proprement dit en fin de semaine parce que je me suis retapé un film que j'avais déjà vu qui est excellent, qui est une production de Ridley Scott qui est American Gangster. Ah, je l'ai pas vu ça. Avec Denzel Washington et Russell Crowe, c'est un excellent film. Pardon, de Gangster, qui dure pas moins de 3 heures. Ben moi, j'ai écouté J. Edgar Hoover hier ouais, soir. Tu l'as écouté? Ouais. J'ai trouvé ça long, mais très bon. Leonardo DiCaprio, il est très bon. Il est excellent. Oui, oui, il est très bon. Le gros point que j'ai pas aimé, c'est les maquillages. Quand ils vieillissent, les personnages, ça fait pipi qu'un petit peu bon, mal. Son bras droit à Hoover, je suis d'accord avec ça toi. Ça fait dur. Mais lui, Hoover, c'est pas si mal. C'est pas si pire. Mais par contre, ce que moi j'ai apprécié dans ça, c'est qu'ils ont conservé tout au long de la progression chronologique des personnages, le même acteur pour le faire. Non, c'est bien, c'est bien. Ça, j'aurais détesté vraiment qu'on dise, bon, on prend DiCaprio pour faire Edgar Hoover. Puis un autre quand il... Ah non, ça, là, tu décroches quand même. J'aime bien le petit côté quand il parle avec Ted Kennedy, tu sais, puis qu'il il dit, votre frère, et qu'il sort avec sa petite actrice est-allemande, puis nanana. Ouais, tu vois, c'est le genre de menace à peine sous couverture. Là, ouais. Puis tu vois qu'il y avait beaucoup de pouvoir à un certain moment donné. Un petit peu pas mal. Il voyait des communistes partout. Ah, il était. C'était une chasse aux sorcières. Il est grave, Ouais. C'était un bon film. C'était un bon film de Clint Eastwood, effectivement. J. Edgar Hoover. On continue musicalement cette fois-ci avec des trucs que vous entendrez, entre autres, Meshuggah dans ce bloc-ci. Mais on va débuter tout de suite avec la formation américaine qu'on aurait eu le loisir et le plaisir de voir l'an dernier, ici même au Metal Fest, HTS. Là, c'est bon, ça. Oui. Une pièce qui est tirée de l'album Jupiter, dernière apparition de cette formation. La pièce qui porte le titre de... Donnez-moi des roses. Donnez-moi des roses. De Led Zeppelin. Oh! When the Beast...

Hyperion.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Dennison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via GetAroom.ca. Allez visiter la page Facebook de GetAroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/GetAroom.ca. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! Salut, mon Danny! Ah, salut. Ça n'a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi, t'arranger ça. Wow, wow, aussi, tu m'amènes, toi, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70, boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine, dans le dîner de cons sur C'est fou 89. Toute une semaine. Le Dîner de Cons est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 41-70, boulevard des Forges. Je sais, c'est constructif. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1. Ouais. Et juste avant la pause publicitaire, on a eu l'immense plaisir d'écouter la formation Meshuga et la pièce Bleed que l'on retrouve sur le bientôt avant-dernier album. Obzine, qui est paru en 2008 sur Nuclear Blast. Quel bon album. Toi, t'es, t'es pas encore tout à fait acclimaté à pas ça. Pas encore. Peut-être bien que le prochain album va faire en sorte que... Faudrait que tu fasses une immersion massive dans le Meshuga, là, puis à un moment donné, ça va passer ou ça va casser un des deux. Parce qu'à un moment donné, c'est très technique, oui, mais on dirait que ça tombe comme redondant. Pas bien, tu connais rien. Ouais, c'est. Juste auparavant, nous avions Fear Factory, la pièce A Moment of Impact, pièce de clôture de l'album Transgression, qui est paru en 2011 sur Roadrunner. Je pense que c'est le dernier album qui a été apparaître pour Fear Factory sur Roadrunner, effectivement, il me semble. Effectivement, il me semble. Divine Heresy, la pièce Bleed the Fifth, pièce éponyme et d'ouverture du même album, qui est paru en 2007 sur Century Media. Et nous avions Hateist et la pièce When the Beast, tirée de l'album Jupiter, qui est paru en 2010 sur Season of Mist. Ah ouais. Walk away. Oh, yeah. Okay, ouais. Ceci étant dit, tu as une autre présentation pour nous autres. Il y a des sorties d'albums qui s'en viennent très intéressantes. Oh, ben vas-y donc. Ah, regardons ça. Au mois de mars, ça va être un mois de mars très, très chaleureux point de vue sortie. On va avoir le 12, formation japonaise que j'affectionne particulièrement. Oh, Sai. Sai, avec Insomniphobia. Ben, hâte d'entendre ça. Aura Noir, formation Black Trash Metal avec Out to Die le 23. Ça aussi, ça promet. Ils sont de où déjà, eux autres? Je pense que c'est Norvège. C'est pays de là-bas. Là. Okay. C'est très les loin. Pays blacks, là. Les pays blacks, là. Parce que c'est frette, puis c'est méchant. Uh-huh. Ou c'est pas gentil. Parce que c'est pas gentil, puis que la neige, elle te mord les orteils. Que... ça, c'est dangereux. Oui. Formation Borknagar, qui va sortir un nouvel album qui s'appelle Urde. Hurluberlu. Urde, c'est le 23. God Forbid, la formation trash metalcore américaine avec Equilibrium le 26. Overkill avec des Electric Age le 27. Ministry avec Relapse le 30. Au mois d'avril, on aura Cradle of Filth avec un nouvel album qui s'intitulera Moonlight in the Labyrinth. Je n'ai pas de date encore exacte pour avril. On aura un nouveau Marduk qui s'appellera Serpent Sermon. Je n'ai pas de date non plus. Mais nous aurons droit à Killing Joke 2012. S'il est aussi bon que le précédent album, ça promet. C'est sort le 2 avril. Accept avec Stalingrad le 6. Prong Carved into Stone le 23. Moonspell, nouvel album, Alpha Noir, Omega White, le 27. Saint Vitus avec Lily F65, le 27. Au mois de mai, on va avoir Testament avec un nouvel album qui s'appelle The Dark Rose of Earth. J'ai pas de date. The Cult, pour les amateurs de plus alterno hard rock. Choice of Weapon, le 22. Et Havoc, qui va nous sortir un mini-album qui s'appellera The Point of No Return, le 22 mai également. Ah, pas mal de trucs à venir. Hein? Ah, ben on va avoir du fun, de l'agrément, puis... Puis c'est ça. Et je disais tout à l'heure que Meshuggah, c'était probablement leur avant-dernier album. C'est que le 27, le prochain album de Meshuggah sortira. Le 27 quoi? Le 27 mars de ce mois-ci. Il portera le titre de... C'est pas de tes affaires. Ah oui, mais ça allait bien. J'ai pas pensé tout droit là-dessus. Colosse. Comment ça fait? J'ai pas vu ça, moi. Parce que t'as pas regardé la bonne place. Ben oui, je regarde la même place que toi, espèce de cornichon. C'est vrai? Parce que t'as passé par-dessus. C'est vrai que ce site-là, il est fait de façon à ce que tu peux facilement skipper des choses sans le voir. Ouais, ça se peut. Parce qu'ils mettent où il n'y a pas de date. Ouais, puis après ça, ils mettent ça se peut. Ouais. Cannibal Corpse aussi qui sort un nouvel album. Oui, Cannibal Corpse le 13 mars, c'est dans quoi, à peine 14 jours. C'est le lendemain de Scythe, finalement. Effectivement, qui va porter le nom simple et évocateur de Torture. Oh, titi! Oui. T'as une nouvelle présentation à faire au niveau des albums que tu présentes ce soir. Ma première écoute, la semaine dernière, m'a laissé très perplexe. J'avais 50% oui, 50% de non. Donc 50% de c'est-tu bon? De toi envers 50% toi? 50% de c'est-tu pas bon? Tu parles de toi envers toi, là. C'était une... Toujours. OK. En réécoutant cet album-là à la fin de la semaine, ça s'est avéré que c'est 100% bon. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. La formation polonaise Keta, qui donne dans un death technique expérimental carrément disjoncté. Fait que si vous aimez la folie furieuse, les plombs qui pètent, puis la musique carrément hors champ et époustouflante, c'est le mot, époustouflante. Époustouflante, c'était bien placé ici, Sinistro, je dois dire. Et tu pourrais le redire encore? Époustouflante. Encore une fois. Époustouflante. Ah, j'aime beaucoup. C'est le fun, hein? Oui. On va entendre trois pièces, dans le fond, c'est deux pièces de leur deuxième album, qui s'appelle Second Sight. On va entendre Blackpool, Take One et Blob. C'est sorti sur Instant Classic, un label que je connais pas. Pas en tout. C'est sorti en janvier 2012. Alors, on va entendre Keta. On va l'écouter Keta à l'instant et on va revenir en ondes après ces pièces. Parce que je veux pouvoir donner mon appréciation. Je vais le découvrir live, là. Ben, tu donneras ton appréciation après à la room et logiciste, non? Non, je veux le dire, là. OK, c'est bon. Parce que des coups, j'aimerais pas ça. Je veux te matraquer. Ah oui? Tu vas faire exprès pour une fois que j'aime le death fucking, tu vas me matraquer. Ben non. Clonerie. Keta. Keta. cherchez un endroit hors du commun pour votre bal de finissant? À 10 minutes de l'UQTR, l'Auberge Godefroy vous promet une soirée mémorable. Pour en savoir plus, contactez-nous au 819-233-2200 ou rendez-vous à aubergegodefroy.com. Vous aimez le country? Eh bien, l'organisme Épilepsie Mauricie du Centre du Québec organise un spectacle de musique country qui aura lieu le 24 mars 2012 au Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste à Drummond. De 14h à minuit, venez célébrer avec des vétérans du country dont les chanteurs Blackie Road et Viateur Caron, et ce, pour seulement $18. Pour plus d'informations, veuillez composer le 819-373-3211. Un rendez-vous à ne pas manquer. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Bon, les boys, on va commencer la session comme il faut. Y a-tu quelqu'un qui voudrait une bonne bière? Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as à proposer? Ben, attends une minute. J'ai de la Mort de Rire, de la Rivière Rouge, de la Route des Indes, de l'Imperial Stout. Oh, veux-tu bien me dire c'est quoi ces sortes de bières-là? Ah, tu connais pas ça? Fait que t'es en train de me dire que tu connais pas encore la barrique. La quoi? La barrique. Le paradis de la bière à Trois-Rivières. Eux autres, là, ils ont le plus grand choix de bière à Mauricie. Des conseils, du service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, t'as rien qu'une chose à retenir. Bière égale la barrique. C'est juste à côté de l'université, au 41-110, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Oh. 21h05. Ben oui, gadon, ça. C'est tout un addon, hein? Hein? Il est rappé de 21h, mais non, il est 21h05. Non, mais tu t'en rappelles-tu, là, dans le temps, on commençait, là? Ouais, ça aurait fait. Ça aurait été même probablement la première pièce qu'il jouait, cette heure-là. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est autre chose. On en a bien passé depuis ce temps-là, des pièces. Eh oui, on vient d'entendre formation italienne. Formation que j'ai pas suivie par la suite, malheureusement. Se nomme Illogiciste avec la pièce The Soul Feeder. C'était sorti de leur premier EP de 2003 qui s'appelait Dissonant Perspectives. Ils ont sorti deux ou trois albums par la suite que j'ai malheureusement pas écouté. On a entendu l'excellente formation australienne Alarum avec The Signal, qui était tiré de Natural Causes, qui était mon numéro 5 2011, qui était sorti sur Willowtip. Et on a entendu une formation que tu sembles avoir appréciée grandement. Oui. Formation polonaise, une autre gang de cornichons. Non, c'est plus des saumons, eux autres. Eux autres, c'est des saumons, oui. Formation Keta. Avec les pièces Blackpool, Take One et Blob, c'est tiré de l'album Second Sight qui vient tout juste de sortir sur Instant Classic Records. J'ai beaucoup aimé ça. C'est flyé. Hein? J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je vais sûrement me procurer ça. C'est vraiment très, très bon. Ça rentre dans le type de musique très éclatée, expérimentale que j'aime beaucoup. C'est du jonté. C'est carrément... C'est bien aimé ça. C'est fou. La semaine prochaine, je l'ai dit, il y aurait un spécial, en fait, en ce qui me concerne, je vais faire un petit spécial Hopef. Mais ce vendredi, si vous voulez le voir, The Dark Side of the Doctor, je vous invite de toute façon à le faire hebdomadairement dès 11h les vendredis sur 89.1 FM. C'est fou d'écouter l'émission Rock Classique avec mon bon ami le Rockmaster, mais cette semaine, je serai co-animateur avec lui pour présenter mes choix en matière de classic rock et de progressif. Donc, mais moi, je devrais être en ondes probablement seulement à partir de 13h30. Donc, aussi côté spectacle qui sont à venir côté Trois-Rivières Metal, le samedi 10 mars, donc pas le week-end qui vient, mais bien l'autre, au Rock Café Le Stage, Trois-Rivières Metal vous présente formation Blackguard, Blinded by Fate, Morgue et North Deem. L'ouverture des portes à 19h, début des spectacles à 20h, l'encours de 12$ et c'est pour tous. Le samedi 7 avril, à l'Acrobar, Troisième métal, toujours, propose des formations Riotor, hommage à SOD, FTMA, Phosphorus et Satanic Glue Sniffers. Disons que le nom de band n'est pas très invitant. Hein? Moi, ça m'inspire pas. Pas en tout. Bon. Le spectacle est à 20h, il en coûtera 5$, c'est 18 ans et plus. Troisième métal présente samedi le 14 avril, Rock Café, le stage, Unexpect. Je pense que je vais aller voir ça, moi. Ben, ouais, je pense, je suis curieux, là. Je suis vraiment curieux de, je sais pas pourquoi, là, j'ai comme envie de satisfaire ma curiosité avec Unexpect. Bref, Unexpect, Obscurcis Ramensia, Troll Hames, Car Chaos et Battle Soul. C'est le samedi 14 avril, l'ouverture des portes à 19h, spectacle à 19h30. Ça coûtera 15$ et c'est pour tous. Troisième Metal Fest, 12e édition 2012. Se commettra cette année encore à la bâtisse industrielle au 1760 avenue Gilles Villeneuve, ici même à Trois-Rivières. Les vendredis 12 et samedi 13 octobre prochain. Ce sera pour tous. Et les formations sont à venir. Posez-nous pas de questions. On le sait pas. Ceci étant dit, c'est à mon tour de faire une présentation ce soir de deux albums, deux brefs incursions dans ces deux 10 albums, soit le premier étant Autopsy et la compilation générique, si on veut, de leur discographie. C'est paru il y a quelques semaines sur Peaceville Records. On parle d'un titre qui est All Tomorrow's Funeral, qui est une compilation qui comporte 22 titres. Donc ici, Autopsy est une formation américaine, californienne, qui initialement était instiguée par Font du surf rock. Font du surf rock, oui, c'est ça. Qui était instiguée initialement par le batteur de la formation Death. D'ailleurs, c'est au moment où Chuck Schuldiner a décidé de retourner en Floride que le batteur a dit « Ben moi, je vais partir mon propre band, je ne retourne pas en Floride. » Ben, va-t'en, pas partir mon propre band. C'est cela. Donc, formation qui a reconnu une certaine notoriété, surtout dans la fin des années 80. Formation qui existe depuis 87, si je ne m'abuse. C'est un death, je dirais, très traditionnel, très old school, mais qui, à la fois, reste intéressant pour les amateurs de cette vague à la Obituary et compagnie, death, bien entendu. Donc, deux pièces All Tomorrow's Funeral, suivies de Broken People. Je vais revenir entre les deux parce que c'est la sortie d'un album important, d'une formation importante pour moi. Je voudrais qu'on en parle brièvement avant de la présenter, donc à l'instant. Chandail dont tu... Oui, ben oui, j'ai mis l'équipement de... L'équipement, de circonstances. Ouais. Donc, Autopsy à l'instant. Pacific Vision, the road to one is run, and... Watch your fate, let disappear. You're the one. Formation américaine, californienne, Autopsy, deux pièces tirées de la compilation parue il y a quelques instants, ou pratiquement, non. Il y avait du reverb sur le vocal dans ce temps-là. C'est incroyable, comment, surtout dans cette bande-là, il y a du reverb, là. Ben, en fait, j'entends que le vocal n'était pas ce qu'il y a de plus percutant, donc ça pouvait donner un petit torque de plus. Autopsy, les pièces d'ouverture qui sont respectivement All Tomorrow's Funeral, et Broken People, qu'on retrouve sur la compilation All Funeral, All Tomorrow's Funeral, qui est paru sur Peaceville Record il y a quelques semaines à peine. Donc, pour les amateurs et nostalgiques du genre, moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça fait une belle rétrospective sur 22 pièces, là, de ce qu'ils ont, et formation qui s'est reformée d'ailleurs, là, il y a peu de temps, semble-t-il, parce que je pense qu'il y a un nouvel album qui est de 2010 ou 2011. Bref. 21h21. Et ceux d'entre vous qui posséderaient le keyboard, c'est le Jupiter... quoi, le Jupiter 8? Ouais, je vous donne 50 piastres pour. Ouais. Keyboards Korg Jupiter 8. Gardez-le. Non, pas Korg. Pas Roland Korg, Jupiter 8. Roland Jupiter 8. Gardez-le. Non, gardez-les pas. Moi, vous donnez 50 piastres pour. Ouais. C'est parce qu'il vaut juste 24 950 plus. C'est le Yamaha CS80. Ah, c'est CS80, celui-là? OK. Ah, celui-là aussi, je vous donne 50 piastres, quoi. Bref, non, on fait des, on s'amuse sur eBay à voir des instruments vintage. Ouais, parce que quand on est hors onde, puis qu'on écoute de la musique, on regarde Internet, on se donne des mots de cœur. On se donne des mots de cœur, puis on se rappelle qu'on a été épais d'avoir ces instruments-là, puis les avoir vendus. Ah, ok, j'avais ça. Ah, ouais, rendu ça à ce prix-là sur eBay. Maudit, j'étais bon, mais quand. Ouais, on vient d'avoir une belle Les Paul, une belle Gibson Les Paul 1960 Cherry Sunburst à 130 000 $. Voilà. Ceci étant dit, deuxième présentation, ce qui me concerne pour ce soir. Formation que j'aime énormément, que j'ai eu le plaisir de voir il n'y a pas si longtemps que ça en tant compagnie. D'ailleurs, au Metal Fest, j'ai eu la formation britannique grand-père du grind metal, Napalm Death, qui sortait aujourd'hui un nouvel album qui porte le titre de Utilitarian. Utilitarian. Paru sur Century Media. C'est un album que je trouve... en fait, je vais être très, très, très, très précis avec vous. Je lui ai donné un 8 sur 10. Ce qui est quand même assez honorable. C'est mieux que l'autre album d'avant. Je l'ai pas entendu. Time Waits for No Slave. Il y en a pas sorti un l'année passée? Oui, ben il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, c'est ça. Non, OK, ça oui, celle-là, c'est beau. Non, je pensais qu'il y en avait sorti Non. Time Waits for No Slave, c'est un bon album. Non, je mélange avec Brutal Truite. Ah oui, c'est ça. Non, Brutal Truite, moi, le nouveau, je l'ai pas vraiment aimé. Mm. Mais Time Waits for No Slave, c'est un bon album. Franchement, c'est un bon album. Celui-là, je trouve qu'il y a de quoi un petit peu plus... Plus de hip-hop dedans. J'espère qu'il y a le nom. Il y a d'ailleurs participation encore. Ils sont forts là-dessus d'avoir des invités spéciaux au niveau du vocal. Ice-T puis Ice Cube. Ouais, puis Ice-C puis Ice-U. Puis ID puis Ido. ID. Burton Seabell vient faire une pièce avec eux. Je vais présenter deux pièces qui sont respectivement Fall on Their Swords et la pièce Collision Course. Je pense que tu vas aimer Sinistros. C'est du bon grind, mais il y a une forte tendance punk, évidemment, là-dedans. Pas du poing. Du poing. Et, vous me direz pas ce que vous en pensez. Je vais pas le savoir, mais vous le direz entre vous autres. C'est ça. Mais bon, d'air. Walk out! Cherchez un endroit hors du commun pour votre bal de finissant? À 10 minutes de l'UQTR, l'Auberge Godefroy vous promet une soirée mémorable. Pour en savoir plus, contactez-nous au 819-233-2200 ou rendez-vous à aubergegodefroy.com. Qu'elle s'appelle Cocotte, vieille bagnole, bazou, taco, minoune, votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval. Participez à la lutte contre les maladies rénales en donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclée. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez rhinquebec.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fous. L'écouter. 89-1. Et ça tire à sa fin. C'était malade. Ben, en fait, 33 maintenant, fait qu'il reste 27 minutes. Oui, c'était pas mal, pas pire, ça. Napalm Death et la pièce Collision Course. Et précédé par une autre pièce de la même formation, Fall on Their Swords, qui sont tous les deux tirés de Utilitarian, qui est paru aujourd'hui même sur Century Media. C'est un bon album. Honnêtement, le début de l'album est un peu étrange par moment, mais il y a quand même pas mal de pièces, puis, Non, c'est bon, les pièces que t'as mis, c'est une bonne suite à Time Waits for No Sleep. Ouais, effectivement. Juste auparavant, je l'avais dit, deux pièces de Autopsy. Donc, maintenant, nous en sommes rendus où, mon cher? Nous en sommes rendus à 21h30. C'était rendu à 22h33, t'étais en overtime. Commence à te mêler, là, c'est pas grave, là. Bah! Hey, j'ai choisi un petit bloc de classic black metal. Ouais, mais ça, c'est bon, ce que t'as choisi. Oui, oh, c'est tout le temps bon, ce que je choisis de ça. Ben, black metal, là, moi. Avoue que je m'améliore, garde. Mon blog de tête. Avoue que je m'améliore. Non, je dis pas que tes choix sont pas bons. Je dis juste que quand c'est du black, ça me convient pas toujours. Ben, mais là, ta prochaine pièce, j'aime beaucoup ça. Bon, c'est pas de mes affaires, moi, ça te convient pas. Ouais, c'est pas de tes affaires, ça. Ouais. Hein? C'est pas de mes affaires, ça me convient pas. Hey, j'ai choisi un classique de 1996 avec une formation qui est venu ou sera sur le point de venir à Montréal sous peu. Ouais, c'est à vérifier. Je ne sais pas si ça a eu lieu ou pas en tout, ou quelque chose du style, là. Une pièce s'appelle Murder, sur un album classique s'appelle Brave Murder Day. C'est Catatonia, formation suédoise, que le show a eu lieu, je crois. Oui, effectivement. Ça sera suivi d'une formation légendaire norvégienne qui est dans les instigateurs du mouvement black metal, avec une formation qui s'appelle Emperor. Ah oui, ça aussi j'aime bien. Tiré d'un excellent album qui s'appelle Nine Equilibrium, avec la pièce Decrystallizing Reason. C'était paru sur Candlelight Records dans le temps. On va avoir une autre formation de Norvège qui s'appelle Carpathian Forest. Avec la fameuse Morbid Fascination of Death tirée du même album de 2001. Hey, là, je t'écoute, on dirait que tu es en train de décrire les élections, toi, là. Si la tendance se maintient, nous aurons une quatrième formation norvégienne. Ouh. Qui s'appelle 1349, avec la pièce Natikana. Ouais, ça, c'est pas reposant, hein. C'est assez pas reposant. Ouais. Mais on va commencer avec quelque chose d'excellent. Ouais. Qui s'appelle Catatonia. Tu sais qui chante sur cet album? C'est Michael Arkerfeld. Effectivement, c'est Brave Murder Day. Oui. Catatonia avec la pièce Murder, qui est tirée de l'excellent album Brave Murder Day de 1996. Les Tigots. C'est parti. We'll be right back. faut que le temps passe. Et que ça flyesse aussi. Oui, malheureusement, ici, je dois dire que c'était pas pire. Ah, pas une de quoi. Hein? Ouais. Mais tu me gagneras pas encore à ce point-là pour dire que je vais me mettre en programmer pour en écouter chez nous. Là. Non, laisse-moi ça. Oui, non, programme... ça me fait plaisir. Programme tes cofonneries de death metal. Non, je peux plus dire ça à cette heure, j'aime ça. Shame on me. Oui, shame on me. Tant que tu mets pas du power, je n'ai que. Non, ça risque. T'as pas d'inquiétude. Non, c'est vrai, je suis pas inquiété. Non, t'as pas d'inquiétude à avoir, ça arrivera pas. Mais ne mets pas de deathcore non plus. Parce ça que arrivera parce pas. Là, non je t'appelle plus. Plus. Ça arrivera pas non plus, inquiète-toi pas. Parce que si jamais j'entends passer du Blind Witness site, moi je suis franchi à la porte et je reviens plus. Bon, ben je saurais quoi faire, je voudrais me débarrasser de toi. Yo, mais cette poignée. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, pauvre Gobel? Hey, on vient d'entendre l'excellente formation Carpathian Forest qui devrait nous sortir un album cette année. Du moins, je l'espère, parce que ça fait un bout qu'ils n'en ont pas sorti. Depuis quand? Il me semble que c'est 2008 ou 2009, le dernier. Il serait dû. On vient d'entendre la pièce Morbid Fascination of Death qui est tirée de l'album qui portait le même titre, soit Morbid Fascination of Death, qui est apparu en 2001 sur Avant-Garde Musique. C'est cela. On a eu l'excellente formation norvégienne Emperor. Oui. Avec la pièce Decrystallizing Reason qui était sur Nine Equilibrium de 1999 sur Candlelight Records. Et on a commencé avec l'excellente pièce Murder avec Michael Arnfeld au vocal. Voici, c'était Catatonia avec Brave Murder Day de 1996 sur Avant-Garde Music. Merveilleux. On rappelle que ce samedi, au Rock Café Le Stage, j'ai trouvé un métal présent Dying Witness au Place Nation. Ah, ben In oui, words, c'est ça, faut que t'en parles, là. Hein? Worth Dying For. Ouais, ben, c'est tu veux que je m'en aille, là? Tu veux que je m'en aille, là? Hein? C'est ça. Ben, c'est parce que regarde, j'en passerai pas, puis j'irai pas. OK. Bon. C'est samedi 3 mars, ouverture des portes à 19h, spectacle à 20h, la coûte 12$. Et c'est pour tous, la semaine prochaine, mini spécial Hope F. Ce vendredi, 13h30, je serai à l'émission Rock Classique. La semaine prochaine, Sinistros nous présentera l'album de Rearm, n'est-ce pas? Oui. C'est cela. Peut-être d'autres choses à s'ajouter. Ouais, ben là, il faut que je choisisse. J'ai le choix entre deux, trois, là. Ouais. Bon. Moi, je pense pas avoir d'album à présenter la semaine prochaine. Ça ne me dit pas. Je vais me concentrer sur Hope F, puis sur d'autres choses aussi malsaines. Ah, ben c'est bon. Hope F, c'est pas malsain. T'as pas vu Mike Ackerfeld dans le show, toi? Il est malsain? Ben, non, pas vraiment, mais son humour est très particulier. Okay. Ouais. Hey, on va finir avec quelque chose de noir, justement. Ouais, c'est encore à toi qu'il incombe de clore cette édition. Oui, comme d'habitude, et oui, on va finir avec une pièce qui vrombit puis qui va détruire vos oreilles et votre restant de cerveau si vous êtes encore en vie à cette heure-ci. Formation norvégienne qui ont sorti d'innombrables excellents albums. On va en choisir un de 2005 qui est paru également sur Candlelight Records avec un album qui s'appelle Hellfire et une pièce qui s'appelle Natikana. Voici 1349. Sur ce, allez tous vous faire foutre. Garou, peut-être.